بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc continue les dourous de fiqh, les cours de fiqh, de jurisprudence. On a été arrivé au chapitre de al-mas'h 'ala al-khuffayn, bab al-mas'h 'ala al-khuffayn. Le fait de passer, sur les chaussons, al-khuff, c'était des chaussons en cuir, taillées sous la forme du pied, qui mettaient à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On va voir si ça s'applique aux chaussettes actuelles, les conditions, etc., etc. Mais déjà, al-mashru'iyya, le fait que cela soit légiféré. Contrairement à ce que disent ahl al-bid'ah, les innovateurs. Donc, bab al-mas'h 'ala al-khuffayn, on explique toujours, on prend comme, en fait, comme plan, et on explique le livre de Ibn Qudama, Umdat al-Fiqh, qui est donc un livre de base sur le fiqh, résumé, qui prend un avis ou qui met en avant un avis dans l'école de l'imam, imam Sunnah, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Et bien sûr, quand on considère que la parole de l'auteur, n'est pas la plus juste au niveau des divergences dans le fiqh, on le cite et on cite la parole d'autres ulama parmi les salafs et parmi les ulama al-mujtahidin du fiqh. Et on va, c'est ce qu'on va faire particulièrement dans ce chapitre. Donc, yajuzu Ibn Qudama dit rahimahullah, yajuzu al-mas'hu 'ala al-khuffayn. Il est permis de passer les mains mouillées sur al-khuffayn, sur les chaussons. La preuve de cela wa ad-dalil 'an Jarir annahu bala ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذا قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه. Donc ce hadith est dans les deux صحيح de l'imamane al-Bukhari wa Muslim. Selon Jarir, comme quoi il a uriné, et ensuite c'est un compagnon, qu'il a uriné, et ensuite il a fait le wudu et il a passé les mains sur les chaussons. D'accord? Les gens, ils se sont étonnés, ils lui ont dit, tu fais cela? Il dit oui, et j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam uriner, faire le wudu et passer les deux mains sur ses khouf. Ibrahim al-Nakhai, qui fait partie de la génération suivante, les compagnons, c'est-à-dire les tabi'in, l'élève d'Abdullah ibn Mas'ud, il dit, ce hadith, il leur plaisait. Pourquoi? Parce que Jarir, il est rentré dans l'islam après que Surat al-Ma'ida, la Surat 5, elle soit révélée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce hadith, premièrement, il nous montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela, al-Mas'h al-Khuffayn. Donc, il n'y a pas de divergence, inshallah, sur al-Mashru'iyya, sur la légitimité de faire cet acte-là. La deuxième chose, quand il dit ce hadith, il nous plaisait parce que Jarir est rentré dans l'islam où il s'est converti après la révélation de Al-Ma'ida, c'est qu'on a vu que le wudu, il est cité dans Surat, il est décrit dans Surat Al-Ma'ida, d'accord? Et il indique dans Surat Al-Ma'ida qu'il faut se laver les pieds jusqu'aux chevilles, d'accord? Et malgré tout, Jarir, il a connu ce verset, mais il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cela. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition entre le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran de laver nos pieds et qu'ils nous permettent par la sunna de quoi de passer sur nos sur les chaussons avec les mêmes mouillés. Vous avez compris ça? C'est très important. قال عبد الله المبارك رحمه الله قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته Finale al-Awtar. Et Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, qui est un des grands imams de la Sunna aussi, parmi les shuyukh de Bukhari, il dit, il n'y a pas de divergence parmi les compagnons sur le mas'h 'ala al-khuffayn, sur le fait de passer sur les chaussons. D'accord? Car tout compagnon dont il a été rapporté, le fait qu'il ne voyait pas cette chose-là, Il a été aussi rapporté le fait qu'il le voyait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains, ils rapportent que certains, ce compagnon, par exemple, il dit, non, le Mas'h al-Khufayn, ça n'existe pas. D'accord? Mais ce même compagnon, il y en a d'autres qui ont rapporté comme quoi il l'a fait et il l'a ordonné, etc., etc. D'accord? Donc, c'est légiféré, il y a une intimité des compagnons sur cette question-là. Même si à certains moments, il peut arriver que certains compagnons, ils ignorent certains hadiths. Après, ils l'entendent de d'autres compagnons, et quoi? Et disent ce qu'implique ce hadith. La parole de Moubarak, elle est dans Nail Autar de Shawkani, le volume 1, la page 194, de Tala'at al-Kutub al-Ilmiya. De même, Al-Hassan, c'est Al-Basri, Rahimahullah, min Ammat al-Tabi'in, il dit, حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit comme quoi il a entendu 70 qui lui ont rapporté le Mas'h al-Khufayn parmi les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Et ça, c'est dans le Mourni d'Ibn Qudala, Mouhlima, pas 650. Donc là, il n'y a pas de divergence. Et c'est pour ça que certains imams, on les a pas cités ici, mais c'est dans certains livres, ils font rentrer carrément cette chose-là, le Mas'h al-Khufayn, dans l'Aqidah. Pourquoi? Parce que ne le remet en cause qu'un Mubtadi'. Ne le remet en cause qu'un Mubtadi'. Comme c'est dans Al-Barbahari, si je me souviens bien, son livre Sharh al-Sunnah, et c'est cité dans certaines Aqa'id de l'A'imma, qui ont été cités par l'imam Abul Qasim al-Lalaka'i dans son livre, Sharh usul i'tiqad ahl sunnah wal jama'a. Voilà. Donc, il n'y a pas de divergence, inshallah, chez les sunnites, voilà. Les seuls qui le remettent en cause, ce sont le Khawarij. Et, Al-Rawafid, si je me souviens bien, c'est-à-dire deux sectes, dont on ne se préoccupe même pas, dans le sens au niveau de la divergence. Ce sont des égarés, des innovateurs. Et beaucoup d'entre eux sont des kuffar. Ensuite, il dit, Ibn Qudama, rahimahullah, وَمَا أَشْبَهُهُمَا مِنَ الْجَوَارِبَ. Et ce qui le ressemble, c'est-à-dire ce qui ressemble à quoi? Al-Khufayn, parmi Al-Jawarib. Et Al-Jawarib, c'est les chaussettes. C'est-à-dire, à la place d'être en peau, Al-Jawarab, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est en laine, en tissu, etc., etc. D'accord? Donc, de même, il est établi la permission de quoi? De passer sur les chaussettes. On va voir après les conditions suivantes, mais pour l'instant, on peut dire, une personne peut pas nous dire, par exemple, non, tu peux faire le masque que si t'as les khouf en cuir. D'accord? Tu peux le faire aussi sur les chaussettes. La preuve de cela, c'est le hadith, an al-Mughira ibn Shu'ba, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a wa masaha ala al-jawrabayn wa al-na'layn rahu al-khamsatu illa an-nasa'i wa sahahahu at-Tirmidhi. Mughira ibn Shu'ba rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait le wudu et qu'ensuite il est passé sur ses deux chaussettes, jawrab, et sur ses na'layn, sur ses deux chaussures. D'accord? Ce hadith il est rapporté par Al-Khamsa, c'est-à-dire Abu Daoud, à l'imam Ahmed, pardon, Abu Daoud, at-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, pardon, sauf An-Nasa'i. An-Nasa'i, il le rapporte pas. Donc, mettez Abu Daoud, At-Tirmidhi, et il a été authentifié par At-Tirmidhi. Au Sahahu, At-Tirmidhi, comme a dit le Majdi. Ibn Hazm, rahimahullah, il dit, Wa mimman qala bil mas'a al-jawrabayn jama'atu min as-salaf, kama rawayna an Sufyan al-Thawri, an al-Zirqan, an al-Zirbiqan, an Abdillah al-Abdi, Ibn Abdillah al-Abdi, wa yahbna bi hayy al-A'mash, قال الزربقان الزبرقان عفوا عن كعب بن عبد الله قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بال فمسح على جوربيه ونعليه. ابن حزم رحمه الله dit le fait de passer sur les chaussettes a été rapporté de beaucoup de salaf. Ensuite il ramène un isnad et il le ramène de Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, comme quoi lui-même il a fait cela. De même il le rapporte avec son isnad, رأيت البراء ابن عازب يمسح على جوربيه ونعليه. Il rapporte aussi de البراء ابن عازب رضي الله عنه parmi les compagnons. Il rapporte aussi, je fais en résumé, de Abi Mas'ud al-Badri رضي الله عنه. Il rapporte aussi de Anas ibn Malik رضي الله عنه. Il rapporte aussi de Anas ibn Malik, on l'a dit, et d'autres parmi les Sahaba, de Omar ibn Khattab رضي الله عنهم وارضاه. Et tout ça c'est dans le Muhalla, le volume 1, la page 323. Ibn Qudama a mis une condition. As-safiqatu. Il faut qu'elle soit safiqa. Il faut qu'elle soit épaisse. Qu'on voit pas à travers. Allati tathbutu fil qadamayn. Wal jaramiq allati tujawizu al-ka'bayn. Donc. Il donne, pour le fait de passer sur les chaussettes, qu'elle soit épaisse. D'accord? et qu'elle dépasse la shirk, deux conditions. Comme il dit lui-même, Ibn Qudama al-Mughni, rahimahullahu ta'ala, إنما يجوز المسح على الجواب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف أحدهما يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه هذا ظاهر كلام الخرقي قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليها ويثبتان في الرجلين فلا بأس ابن قدامة رحمه الله il a mis deux conditions on les répète qu'elles soient épaisses. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas apparaître une partie du pied. Comme par exemple, certaines chaussettes qui ressemblent presque à des collants, on voit le pied à travers. Ça existe même dans les pays chauds, par exemple. J'en ai vu, par exemple. Et ensuite, la deuxième condition, qu'ils puissent marcher avec, c'est-à-dire qu'elles tiennent au pied. D'accord ? Elles ne tiennent pas, par exemple, par des cordes ou par des choses comme ça. C'est-à-dire à notre époque, les chaussettes, la plupart des chaussettes épaisses, etc., etc. Ça, c'est dans le Mourni, le volume 1, page 300. 75 de Tawa Dar al-Hadith, l'édition Dar al-Hadith. De même, il est rapporté proche de cela, la parole d'Ibn Hazm dans le Muhalla, le volume 1, page 321, qu'est-ce qu'il dit? Ibn Hazm, وَالْمَسْحُ عَلَى كُلُّ مَا لُبِسَ فِي الرِّجْلَيْنِ مِمَا يَحِلُّ لِبَاسُهُ مِمَّا يَبْلُغُ فَوْقِ الْكَعْبَيْنِ سُنَّةِ سَوَاءً كَانَا خُفَّيْنِ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَلْفَاءٍ أو جربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر كما عليهما جلد أو لم يكن. Essentiel, il dit Ibn Hazm rahimahullah, comme quoi il est permis de passer sur le khuffain, qu'elle soit faite de peau ou d'autre chose que cela, et il est permis de passer sur al jawarabain, sur les chaussettes, qu'elles soient faites de coton, de laine, de poils, de peau, etc., etc. Pardon, pas de peau, puisque la peau c'est le khuffain. Il dit, voilà. C'est ce qu'il dit. Et il dit, mimma yablughu fawqa al-ka'bayn. Et ce qui arrive en haut de là, comment ça s'appelle? De la cheville. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est pas le socket, on m'a dit, ou je sais pas comment ça s'appelle. Les chaussettes qui descendent en dessous de la, ça c'est pas permis de faire un message. Il reste une question par rapport à ça. Donc ces deux conditions-là qu'on a dit, il faut bien sûr elles sont valables pour le profane comme pour le jawrabain. Elles sont valables pour le chausson, le cuir, c'est-à-dire pour le jawrabain, c'est-à-dire un tissu. Les deux conditions, je les rappelle, qu'elles soient épaisses, qu'on voit pas la peau à travers, et qu'elles tiennent le pied, c'est-à-dire que la personne a la capacité de marcher avec. D'accord. Deuxièmement, mas'ala al-mas'a al-khuff al-mukharraq. La question c'est quoi? S'il y a un trou. S'il y a un trou. Il faut que ces deux conditions soient présentes en premier lieu. Mais si jamais il arrive qu'il y a un trou dans la chaussette ou dans le khouf, qu'est-ce qui se passe? Il y a divergence entre les ulama. Il y a divergence entre les ulama sur cette question-là. L'avis le plus juste, déjà la plupart des ulama considèrent qu'il est permis de faire le mas'h, de passer, même s'il y a un trou. C'est l'avis de la majorité des ulama. On peut en citer quelques-uns. Comme c'est cité dans le, comment ça s'appelle, dans le Mourni, il cite Al-Awza'i, rahimahullah, parmi les savants des salaf, il a dit, yamsahu al-khaf al-mukharraq, wa ala ma zahara min rijli. Qala Abu Hanifa, in takharraqa qadra thalathi asabi' lam yajuz, wa in kana aqal, jaz. Donc Al-Awza'i, il a dit de manière générale, il a dit, c'est parmi les grands savants du fiqh, parmi les salaf, il a dit comme quoi on fait, même s'il y a des trous. D'accord? Abu Hanifa, il a dit, si le trou, il fait plus de 3 doigts, on peut pas. Mais si c'est moins de 3 doigts, on peut. Bien sûr que c'est aql. D'ailleurs, certains ulama, ils ont rejeté cet avis-là en disant qu'il n'y avait rien qui le permettait, le prouvait parmi les preuves de la sharia, comme l'a fait Ibn Hazm. L'imam Malik, rahimahullah, in kathura wa tafahasha lam yajuz wa illa jaz. Il dit, c'est un gros trou, c'est peut-être l'avis le plus juste de l'imam Malik, rahimahullah. Comme quoi, si jamais c'est vraiment un gros trou, il n'est pas permis de comment ça s'appelle, parce que le pied apparaît, il n'est pas permis de faire un masque. Par contre, si c'est un petit trou, dans le urf, dans l'ada, comme ça, vous voyez la différence entre un petit trou et vraiment un gros trou. Comme quoi, si c'est un gros trou, il est interdit. Si c'est un petit trou, on continue quand même à faire un masque. Quant à Ibn Hazm, il voit que n'importe quel trou, comme il dit, dans le Muhalla, il est permis de faire al-mas'h, car il n'y a pas de preuve, selon lui, en quoi on ne peut pas le faire. et c'est rapporté de nombreux salaf. Comme il dit dans le Muhalla, فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا أو عرضا فظهر منه شيء من القدم أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل ذلك سواء والمسح على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق بن راهوية ويزيد بن هارون الذين سيد الخف وتوسكيه mis sur le pied, tout ce qui habille le pied, et s'il y a un trou, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit long ou large, que l'on voit une partie du pied, une grande partie du pied, la plus grande partie du pied, tout cela est pareil. On passe dessus, on fait le masque, et dit cela est permis. D'accord? Tant que ce qui est, qui habille le pied, tient encore au pied. D'accord? D'ailleurs, sans que ça parte pas par lui-même, quoi. Et il dit, cela est l'avis de Soufiane al-Thawri, on est les grands savants des Salaf, Daoud, Abi Thawr, Ishaq ibn Rahoy et Yazid ibn Harun. Et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Majmou' al-Fatah, le 21, la page 75, lorsqu'il dit, rahimahullah, et il donne une preuve, c'est une preuve forte, il dit, وَأَيْضًا فَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الَّذِينَ بَلَّهُ سُنَّتَهُ وَعَمِلُوا بِهَا لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف أو أحوالها فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم جواز المسح على الخفين مطلقا يدين لمن les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم qui nous ont transmis sa sunna et qui ont agi selon la sunna aucun d'entre eux il n'a été rapporté de aucun d'entre eux comme quoi il a mis des conditions à الخف c'est-à-dire qu'elle soit exempte de trous ouais, d'accord c'est de ça qu'il parle. Mais ils ont parlé de faire passer, de passer les mains mouillées sur le khouf de manière générale. Ils l'ont mis de manière générale. Et ensuite, il dit quoi ? وَأَيْضًا فَكَثِيرٌ مِنْ خِفَافِ النَّاسِ لَا يَخْلُو مِنْ فَتْقٍ أَوْ خَرْقٍ يَظْهَرُ مِنْهُ بَعْضُ الْقَدَمِ فَلَوْ لَمْ يَجُزَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا بَطَلَ مَقْصُودُ الرُّخْصَةِ لَا سِيَمَا وَالَّذِينَ يَحْتَاجُونَ إِلَى لُبْسِ ذَلِكَ هُمُ الْمُحْتَاجُونَ وَمَا حَقُّ بِالرُّخْصَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُحْتَاجِينَ فَإِنَّ سَبَبَ الرُّخْصَةِ هُوَ الْحَاجَةُ. Et il dit ensuite, il dit comme quoi, on explique sa parole, il dit, beaucoup de khouf des gens ne sont pas exempts ni de trous, ni d'imperfections, d'accord? Faut forcément qu'il y ait des trous, la plupart des gens. Il dit surtout les gens qui sont pauvres, d'accord? Et on sait que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour la plupart étaient pauvres. Et c'est eux qui ont besoin à cette rursa, à cette dérogation, de pouvoir passer sur les chaussons, sur les chaussettes. De la même, Ibn Taymiyyah, il voit cet avis, c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah, comme quoi, à la base, il faut que le khouf, il couvre le pied, en tant que tel, ou la chaussette, ou le chausson, d'accord? Mais si jamais par la suite, il y a un trou qui est dû à l'usure, la personne, elle peut continuer à faire le masah dessus. Et pour amener la parole de l'imam Malik, pour essayer de rassembler entre les paroles, et si jamais le trou vraiment devient trop gros, de manière à ce qu'on voit la plupart du pied ou quoi que ce soit, le mieux, c'est de laver le pied et de changer ou de le réparer. Wallahu a'lam. Ensuite, il dit, fait taharati sughra, dans la purification mineure. Ça signifie quoi? Ça veut dire que le masah, on le fait lorsqu'on perd le wudu juste. Dès que la personne, il devient obligatoire de faire le rousse, il a plus le droit de faire le masah. Il faut qu'il les enlève et qu'il se lave entièrement. D'accord? En cas de rapport sexuel, en cas d'ihtilam, de rêve érotique, d'éjaculation, quoi que ce soit. Ouais, d'accord? Là, il n'y a plus de khouf, il n'y a plus de chaussettes. On enlève tout et on se lave entièrement. D'accord? Ça concerne que si la personne, on va le voir par la suite, il fait le wudu, ensuite il met ses chaussettes. Et quand il perd le wudu, il a le droit de passer la main mouillée sur les chaussettes, à la place d'enlever les chaussettes et de laver le pied. La preuve de cela, c'est que c'est le hadith عن صفوان بن عسال قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سفرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة رواه أحمد بن خزيمة وقال الخطابي Safwar ibn Assal, il rapporte comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de passer sur nos khouf. D'accord? lorsque nous les avons mises en état de purification. Donc là, ce hadith, il regroupe beaucoup de règles. Donc la première chose, le professeur Hassan, il leur a ordonné de faire ça. C'est-à-dire que c'est sunnah. D'accord? La deuxième chose, s'ils les ont mis en état de purification. Enfin, une fois que la personne, il s'est purifié, il a fait le wudu complet, il met ses chaussettes ou ses khoufs. D'accord? Ensuite, il dit, thalathan idha safarna. 3 jours. C'est-à-dire, les 3 nuits, lorsque nous voyageons. C'est-à-dire, en état de voyage, t'as le droit de ne pas enlever tes chaussettes pendant 3 jours et 3 nuits et de passer à chaque fois les mêmes mouillées. Wa yawman wa layla idha aqamna. Et un jour et une nuit, lorsque nous sommes en état de résidence. Alors, dire que t'es chez toi, t'as le droit pendant un jour et une nuit, lorsque tu fais le wudu, de ne pas enlever tes chaussettes et de passer dessus. ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم. Et de ne pas les enlever. En cas, je traduis littéralement et j'explique, en cas d'excrément ou d'urine ou de sommeil. Ça veut dire lorsque la personne y perd juste le wudu, les ablutions, qui fait une annulation des ablutions, il les enlève pas, il a le droit de les garder et de continuer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il a dit, Ibn Qudama fi at-taharati as-sughra. En cas de purification mineure et pas majeure. Pas en cas de rousse. Voilà, nakhla'huma illa min janaba. Et de ne les enlever qu'en cas de janaba. Et le janaba, c'est quoi? C'est l'état lorsque la personne, il lui devient obligatoire de faire une rousse. C'est-à-dire, on l'a cité et on le recitera puisque c'est des règles qu'on va étudier par la suite, inshallah, dans les chapitres suivants. En cas de rapport sexuel, c'est-à-dire en cas de pénétration, ou en cas d'éjaculation, comment ça s'appelle? Indépendamment des deux, l'un de l'autre, voilà. Après, il y a d'autres cas où le ghusl est obligatoire, par exemple, le jour du Jumu'a, il y a d'autres cas où le ghusl est sunnah. Le ghusl est obligatoire, par exemple, on va le voir, on va le détailler, pour le Jumu'a, pour la mort, et pour la personne qui se convertit à l'islam. Ah, c'est sahih. Et il est sunna pour l'Eidain, pour les deux Eid. On continue. Yawman wa layla, Ibn Qudama il a dit rahimahullah de 'Umdat al-Fiqh, Yawman wa layla lil muqim, wa thalathat ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri, min al-hadathi ila mithlih. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة خرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن قدامة رحمه الله il dit en fait on a cité dans la hadith précédent mais on a aussi il a le droit de faire ça en cas de purification mineure un jour et une nuit lorsqu'il est résident et 3 jours et 3 nuits lorsqu'il est en voyage d'accord. À partir de quand elle commence cette durée? Là, il dit, Ibn Qudama de 'Umdat al-Fiqh, mais il a l'hadathi ila mithlihi. À partir du moment où tu perds le wudu, d'accord? Et ça, c'est pas l'avis le plus juste. Il y a divergence sur cette question. La mudda tabda, ala sahih, insha'Allah. Tabda al-mudda, min al-mas'h. Min al-mas'hi. Ça veut dire quoi? Qu'elle commence à partir du moment où la première fois tu passes sur tes khouf, c'est là que ça commence. À partir de ce moment-là, tu comptes un jour et une nuit. C'est-à-dire, 24 heures, et tu comptes 3 jours et 3 nuits. Pourquoi on dit que cet avis c'est le plus juste, comme c'est venu dans le Mubdi' Sharh al-Muqni' de Abu Ishaq ibn Muflih, rahimahullah, dans le volume 1, la page 142, comme quoi cela est rapporté de Omar. وروي عن عمر أنه قال امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها خرجه الخلال واختاره ابن المنذر comme quoi عمر il aurait dit ou il a dit comme c'est rapporté par le خلال امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها امسح à partir de l'heure à laquelle tu as passé sur tes chaussettes. D'ailleurs ça commence à partir de ce moment là. Mais il y a les deux avis dans le madhhab de l'imam Ahmed, c'est-à-dire à partir du moment où il perd le wudu, c'est-à-dire à partir du moment où il fait le mas'h. D'accord? Deuxièmement, Donc on a la parole de Omar, soumet le khalife al-Rashid. Deuxièmement, on voit la facilité. C'est plus facile de se souvenir du moment à partir de t'as fait, à partir de quel t'as fait le wudu, c'est-à-dire à partir de t'as fait le masque, que de te souvenir du moment à partir de laquelle t'as perdu le wudu. C'est très difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Pour compter surtout un jour et une nuit. Et voilà. Et c'est l'avis de certains contemporains, comme c'est venu dans Sharh al-Munti' ala Zad al-Mustaqni', le volume 1, la page 226-227. Ibn Qudama, il a dit, rahimahullah, par la suite, وَمَتَى مَسَحَا ثُمَّنْ قَدَّتِ الْمُدَّةِ أَوْ خَلَعَ قَبْلَهُمَا بَطُلَتْ طَهَارَتُهُ. Donc lorsque la personne fait le masah, et que le temps finit, c'est-à-dire ça, il y a un jour et une nuit, c'est passé, est-ce que son wudu, il est annulé dans l'instant, ou est-ce que c'est juste que le wudu soit annulé en tant que tel? Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? C'est-à-dire, si la personne, il a fait le masah, il a fait le wudu, et un jour et une nuit sont passés là, 24 heures. Il est par exemple 17h30, à 17h30, voilà, ça fait 24 heures que t'as passé sur le masah. Est-ce que là, j'ai le wudu et tout? Est-ce que je perds le wudu automatiquement, puisque la durée est passée? Ou est-ce que c'est juste que je perds le wudu réellement, c'est-à-dire je perds le wudu pour une autre cause, et là, à ce moment-là, il faut que j'enlève mes chaussettes et que je lave mes pieds? Ibn Qudama ici dit que dès que la durée finit, elle est quoi? Le wudu est annulé. D'accord? C'est pas l'avis le plus juste. Comme l'a dit Ibn Taymiyyah dans ses livres, il n'y a pas vraiment de dalil sur cette question-là, et c'est l'avis de Hassan al-Basri. Il dit Ibn Taymiyyah dans l'Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah à la page 15, وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءُ الْمَاسِحُ عَلَى الْخَفِّ وَالْعِمَامَ بِنَزْعِهَا وَلَا بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ. D'accord? Lui, il remet en cause cet avis-là, Ibn Taymiyyah. Pourquoi? La cause de l'avis d'Ibn Taymiyyah, qui est l'avis le plus juste, c'est-à-dire que, en fait, la fin de la mudda, du délai pendant lequel on peut passer sur le masah, n'annule pas le wudu en tant que tel. D'accord? Pourquoi? Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné cette durée, c'est pour connaître la fin de le masah. C'est-à-dire, à partir de la fin de cette durée, on n'a pas le droit de faire le masah. Mais c'est pas pour nous montrer que c'est une annulation de la purification. Parce qu'il a pas dit dans le hadith. Il a dit quoi? Vous passerez sur vos comment ça s'appelle, dans le sens de sa parole, vous passerez sur vos chaussons, vous passerez sur vos chaussons 24 heures par exemple, un jour et une nuit. Mais il n'a pas dit dans le hadith, si vous dépassez, ça va annuler votre purification. D'accord? Et ça signifie qu'il faut pas le faire plus de ça. Car une fois que ces 24 heures sont dépassées, tu perds pas le wudu, mais par contre t'as pas le droit de refaire le masah. T'es obligé de te laver les pieds. Comme il dit les contemporains, un contemporain, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, waqata muddat al-masah, liya'rifu bidhalika intihai muddat al-masah, lantiha tahara. Fassahihu annahu idha tammat al-mudda, wal-insanu ala tahara, fala tubtal. Lianaha thabatat min muqtada dalilin shar'i, وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقد إلا بدليل شرعي آخر ولا دليل على ذلك في هذه المسألة والأصل بقاء الطهارة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا في شرح الممتع المجلد الأول صفحة 65 أو 200. Comme quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a donné cette durée, c'est pour nous expliquer que dépasser cette durée, on ne peut plus passer sur les chaussons ou sur les chaussettes. Mais pas pour nous dire que la purification est annulée ou que c'est la fin de la période de la purification. Donc l'avis le plus authentique, c'est que si la durée est finie, la personne reste sur sa purification. S'il a un état de purification, il reste sur sa purification. Pourquoi? Parce que sa tahara, dans sa purification ici, elle a été établie par le dalil shar'i. Comme quoi t'as fait le wudu, t'as fait un wudu qui est sahih, authentique, et t'as fait le masah avant la fin de la durée. Et on ne peut pas l'annuler, si ce n'est avec un autre dalil, aussi clair que cela, d'accord? Et ça, c'est une règle générale qu'on peut trouver, qu'on trouvera et qu'on rencontrera par la suite. On n'annule pas le wudu sans dalil, comme ça. On ne dit pas toucher telle chose ou faire quelque chose, ça annule le wudu. Il faut qu'on ait un dalil. Coran, sunnah, ijma', D'accord? Si on n'a pas de dalil, le wudu il reste. Pareil, on ne dit pas qu'une chose est impure, comme ça, là, par l'aql, par la raison. Il faut forcément qu'on ait un dalil pour dire que cette chose est impure. Etc., etc. Là, c'est ça, l'avis le plus juste. Comme on a dit, c'est l'avis de Ibn Taymiyyah. Et ça, c'est dans un livre, ça s'appelle Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni', qui est un livre parmi les contemporains d'Ibn al-Uthaymin. Ensuite, il dit Ibn Qudama, rahimahullah, wa massaha musafiran, thumma aqam. Pardon. La deuxième question, c'est quoi? C'est le khal'a. Le fait d'enlever. Le fait d'enlever. D'enlever les chaussettes. D'accord? Là par contre, le fait de les enlever, ce que j'ai trouvé dans la plupart des livres, c'est que ça annule el wudu. D'accord? Si la personne, même s'il est dans la durée, et qu'il enlève les chaussettes sur lesquelles il est passé, cela annule son wudu. La deuxième question, par rapport à la parole de Ibn Qudama, rahimahullah, on a vu. Donc, dans sa phrase là, dans laquelle il dit, ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. Il y a deux choses. La première, il dit, lorsque la durée finit, la purification est annulée. Ça, on a vu que c'était pas le plus juste parmi les avis. On a vu la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et la compréhension du hadith, un jour et une nuit, etc., comme quoi ça n'annule pas les ablutions. Aw khala'a qablaha batula at-taharatu. Ou si jamais, la deuxième question, c'est quoi? Khala' al-mamsouh. S'il enlève la chaussette sur laquelle il est passé. D'accord? Deux questions, deux choses ici. Si jamais la personne y fait le wudu, et de suite après avoir fait le wudu et avoir mis la chaussette, c'est-à-dire sans avoir perdu le wudu, il enlève sa chaussette. Là, haraj, il n'y a pas de mal là, puisqu'il a le wudu encore, d'accord? Il n'a pas perdu. La question c'est quoi? C'est si jamais il fait le wudu, il met la chaussette et il perd le wudu, est-ce que s'il enlève sa chaussette là, il annule ses ablutions? L'avis ici qui est défendu par Ibn Qudama, c'est que ça annule le wudu. C'est que ça annule le wudu. D'accord? Cela annule le wudu. Pourquoi? Parce que ici, le pied, c'est l'une des deux choses. Soit tamsahale, il est vêtu, entre guillemets, le pied. Tamsahale, tu passes dessus. Soit tarsilou, tu le laves. D'accord? Pas les deux. Tu peux pas faire les deux. C'est pas possible de faire les deux. C'est pour ça que cet avis, c'est l'avis de Ibn Qudama dans ses livres, dans Amdat al-Fiqh, dans le Kafi, etc., etc. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. C'est important. Si la personne il fait le masah en tant que voyageur et ensuite il devient résident, il rentre de son voyage par exemple, d'accord? Il rentre de son voyage ou il voyage, pardon, ou il est en état de résidence. Il a perdu le wudu, il a mis les chaussettes, pardon, il a perdu le wudu, etc. Et ensuite, il voyage. Dans les deux cas, il n'a le droit de faire le masah que d'un résident. C'est-à-dire un jour et une nuit. Vous avez compris ou pas? Dans le premier cas, il est voyageur. Puis il devient résident. Quand il est voyageur, il a le droit à certaines rochas. Un rochas des dérogations. Les dérogations, c'est quoi? C'est une rochsa wajiba, la première, c'est de raccourcir la salat. De raccourcir la salat. La vie le plus juste, c'est que c'est obligatoire de raccourcir la salat en voyage. T'as pas le droit de faire 4 rakats en voyage pour le temps. Tu dois faire 2 rakats. Ou jouben. D'accord? C'est la vie de Aisha radiallahu anha et c'est la vie de nombreux salaf. D'accord? Si la personne, il dit oui, mais moi, je suis en voyage, mais je préfère faire 4 rakats ou quoi que ce soit. Par contre, khala fait sunna. Il s'est opposé à la sunna. Pour être ça. Je dis, sur certaines personnes, il va se salir. D'accord? La deuxième rochsa de Safar, il a le droit de rompre le jeûne même pendant Ramadan. On l'a vu cette question-là. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que on l'a vu dans les bourses? Le professeur Sami Yaqoul, laïsa min al-birr as-siyam fi as-safar. Il ne fait pas partie de la bienfaisance de jeûner en voyage. Donc le mieux c'est de rompre le jeûne. C'est l'avis d'Ahmed ibn Ishaq, rahimahumallah. Oui. Et la troisième, ou l'une des autres dérogations, c'est quoi? C'est cette chose-là. Il a le droit de faire 3 jours et 3 nuits de passer sur les chaussettes. 3 jours et 3 nuits. D'accord? Mais s'il était voyageur, et qu'il est devenu résident, il est rentré de son voyage, là, Ar-Rukhsa, il a plus droit à cette dérogation. Il faut qu'il revienne à quoi? À un jour et une nuit. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Maintenant, une personne qui était résident, il avait droit à un jour et une nuit. Il a perdu son wudu avec ses chaussettes. Et il a voyagé. Est-ce qu'il a le droit de faire 3 jours et 3 nuits? Non. Il doit faire un jour et une nuit. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un doute sur la dérogation. Le doute sur la dérogation implique le fait de revenir à l'état de base. Ici, un jour et une nuit. D'accord? Sifatul mas'h. Comment on passe? Comment on fait cela? Comment on passe sur les chaussettes ou sur les chaussons? عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ولا ظاهر خفي رواه أبو داود. علي رضي الله عنه ابن أبي طالب rapporte et il dit une parole très importante. Si le din était pas avec la raison, avec l'intellect ou avec l'opinion, al-ra'i, لَكَانَ أَسْفَلَ الْخُفِ أَوْلَى بِالْمَسْحَ مِنْ أَعْلَى. On passerait dessous. Si jamais c'était avec l'opinion. C'est-à-dire, ouais, moi je pense que, mais c'est mieux que, mais c'est plus. D'accord? Et après, il dit quoi, Ali? Mais j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, passer sur le dessus de ses roues. Sur le dessus de ses chaussettes. D'accord? Ça veut dire que, il n'y a pas une personne, un grand intellectuel, ou un philosophe, ou comment ils appellent ça, très bon, un islamologue, je crois, un islamologue, qui nous dit, non, mais la raison, elle implique que tu te salais plus dessous que dessus, etc., etc. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est passé dessus. Donc nous, on passe dessus. قال ابن قدامة السنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه فيضع يده على موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطا بأصابعه وإن مسح من ساقه إلى أصابعه جاز والأول المسنون ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه في المغني المجدد الأول. يجي ابن قدامة dans son livre المغني يجي la sunna c'est de passer sur le khouf, sur le, ce qu'on appelle le dos du pied. En arabe, on parle le dos du pied, le ventre du pied. D'accord? Le dos du pied. Comment on fait? Et ne pas de passer donc sur le dessus du pied. Ni sur le dessous, ni sur le talon. D'accord? On met sa main aux orteils et on la ramène vers sa cheville. D'accord? C'est comme ça qu'on fait le masque. C'est ce qui est venu dans le mourir.